Quand je te présenterai à quelqu'un, je dirais, c'est un ami à moi. Ça voudra dire que tu es dans le circuit. Par contre, si je dis, c'est un ami à nous, ça veut dire que c'est quelqu'un de la matière, t'as biche ? Ouais, un ami à moi, un ami à nous. Ouais, et moi, je t'appelle comment ? Un ami à nous ? Non, toi, tu fermes ta gueule, tu m'appelles pas, tu dis rien. Déclare un frère de plus, pour recevoir les coups, pour partager la femme, pour tout savoir de tout. Un vrai parmi les vrais, un fou parmi les fous. C'est un ami à moi, c'est un ami à nous. J'ai fait mes preuves dans ce rap, loin des coquelets qui s'embillent en vol auprès des élites, survolent les rois, je suis un champion, je passe devant. Et crois-moi, ne se passe pas d'heure, tant que la plume ne casque pas tous les profits du cascadeur. Ma rime, mes écrits ne sortent pas d'un film, ma vie, mon équipe sort pas d'un film. Ça pousse dans le béton, ça fait des crimes, ça prime, j'affirme, on déprime pour la prime. Y'a rien d'affligeant, fuis ta misère, donc à quoi servir nous sert si on y arrive en trichant. La mort nous prend par sang, couché t'es sous punchant. Je suis un mec du 9-3 comme Jean Valjean. Pour recevoir les coups, pour partager la flamme, pour tout savoir de tout. Un vrai parmi les vrais, un fou parmi les fous. C'est un ami à moi, c'est un ami à nous. Déclare un frère de plus, un loup parmi les loups. Pour partager nos drames, nos numéros d'écrou. Un vrai parmi les vrais, un fou parmi les fous. C'est un ami à moi, c'est un ami à nous. Un solo vient pas mettre le nez dans nos affaires. Je suis le meilleur dans ce que je fais, parce que je suis le seul à le faire. Au pays des Hamkis, le molotov m'a dit là où j'habite. C'est méfie-toi de ceux qui ont la bouche trop collée à ta bite. J'ai du respect pour mes ennemis, même quand le sang ne coule pas. Bref, on s'embrouille entre nous, bien on s'embrouille pas. Je fais ma guerre de 100 ans, c'est pas ton pas content. Sur le fait qu'on règle des comptes, cousin, j'ai pas ton temps. T'as tout misé, coupe les flashs, place et tu rates, veux qu'on te laisse passer, classe. T'attends ta place et tu grattes, non. Ils veulent de toi que tu te fasses masser, tu rames, que tu te fasses clash et cash, mais te fâche pas, c'est du rap, non. On fait ce qu'on veut ici, tu fermes ta gueule pour tout savoir de tout. Un vrai parmi les vrais, un fou parmi les fous. C'est un ami à moi, c'est un ami à nous. Déclare un frère de plus, un loup parmi les loups. Pour partager nos drames, nos numéros d'écrou. Un vrai parmi les vrais, un fou parmi les fous. C'est un ami à moi, c'est un ami à nous. Si c'est fixe là, le saut, dois-je prendre mes distances? Mes talents font la même taille que mes blèmes, bro. Même si ton équipe fait de la résistance, mon flow, mon son, mes phases, mes thèmes, je les aime trop.